Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, au boiteux, au malade, ainsi qu'à vous-même, de manger dans vos maisons ou dans les maisons de vos pères, ou dans celles de vos mères ou de vos frères, ou de vos sœurs ou de vos oncles paternels, ou de vos tantes paternelles ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou dans celles dont vous possédez les clés, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous, non plus de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénie et agréable. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets, afin que vous compreniez.